Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Mordini. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis malade. J'ai mal à la tête et au ventre. Je suis enrhumé et j'ai de la fièvre. Vous avez de la température? Oui, j'ai 38,2. Voici une ordonnance pour les médicaments. Merci, docteur. Je vais à la pharmacie.